0. On va faire le tour de la LCF, la Ligue canadienne de football, avec le relationniste de la Ligue canadienne du côté francophone, Olivier Poulin. Salut, Olivier. Salut! Olivier, évidemment, toi, c'est toi qui s'occupe. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça fait quand même longtemps que on se connaît. Tu es le relationniste de la Ligue canadienne de football au Québec. Ah ouais, ben, en fait, je travaille maintenant au niveau national, là. Ça fait 16 ans que je suis là. OK. Donc, le site lcf.ca, c'est pas mal toi qui le mets à jour, c'est ça, avec toutes les Ben, en nouvelles? fait, j'ai une petite équipe, là. J'ai un collègue qui travaille avec moi, qui lui, c'est son mandat en particulier de s'occuper de ça, là. Moi, présentement, je travaille sur d'autres choses. Comme au moment de notre conversation, là, je suis en train de travailler sur le site d'accréditation pour les médias pour la Coupe Grey. Donc, il faut OK. essayer de lancer ça dans les plus brefs délais de manière à ce que les journalistes puissent se joindre à nous à Hamilton Le la COVID, semaine prochaine. comment que le relationniste des Canadiens a passé ça? Comment qu'il a vécu ça, le Ben, ça a été difficile, là, on ne se cachera pas, là. COVID? Tout le milieu événementiel, tout le milieu sportif, on est tous un peu dans le même bateau, là. C'est-à-dire que soudainement, les opérations ont cessé du jour au lendemain. On est passé à travers une phase où il fallait contrôler les coûts. Donc, dans notre cas, ce n'est pas différent. Il y a toutes les équipes, beaucoup d'organisations sont passées à travers ça. Il y a eu des mises à pied, il y a des gens qui sont revenus, il y a des gens qui, entre-temps, se sont trouvés d'autres emplois puis qui ont quitté, donc qui ont dû être remplacés. Donc, essentiellement, c'est ça. Mais tu sais, on en est à une étape là, où on est à ce stade-ci de Construction. la saison. Ben, je dirais même pas ça, là. On est vraiment, en tout cas de notre côté, là, à l'intérieur du bureau, l'ensemble du personnel. On fait encore des embauches, là. Il y a des gens qui se joignent à nous, effectivement, parce que la Coupe Grey s'en vient, mais si on veut, le cœur, là, ou le Quand ça moteur de coûte la cher. machine, OK, le moteur de la machine, lui, fonctionne très bien, là. Donc, OK. mais il était temps qu'on reprenne le C'est terrain puis sûr, qu'on c'est joue. sûr. Tu sais, c'est sûr que c'est. Puis je pense que les partisans sont exactement du même avis que nous, là. Je veux dire, nous, on vit pour ça, le football. Fait que c'est pas mal plus intéressant quand ça joue sur le terrain que de regarder des vieux matchs de Ouais, 1989. c'est ça. Exactement. Olivier, comment les instances comment qui sont dans les Canadiennes? On parle beaucoup des Alouettes, mais dans l'Ouest, est-ce que c'est quand même. Parce que moi, ce que je déplore cette année, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couverture de la LCF au Québec. Dans l'Ouest, ça dit quoi? Est-ce que les instances sont revenues pas mal à la normale? Je pense à. Mais ça dépend des marchés, honnêtement, ça Ouais, dépend des c'est comme marchés, une année normale. puis ça dépend aussi, bien, il y a plusieurs facteurs là-dedans. La performance de l'équipe, ça vient toujours jouer dans la balance, là. Gagner, oui, ça aide à faire vendre des tickets, hein, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Après ça, l'autre aspect, c'est la situation de la pandémie dans la ville ou dans la province. Et les différents niveaux de restrictions qui ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre nécessairement. On a beaucoup vécu ça au début de notre saison, là, quand on a recommencé à jouer. En Alberta, il n'y avait à peu près pas de restrictions. Alors qu'au Québec, il y avait C'est encore des pour ça que restrictions. les Alouettes et plusieurs équipes de l'Est ont commencé leur calendrier dans l'Ouest, c'est parce Ouais, que puis justement, parce que oui. on ne s'en est pas caché, là. C'était une façon de s'assurer que. Le pari qui a été fait, qui n'était pas nécessairement un pari, qui était un risque calculé, c'était de se dire au fur et à mesure que ça allait évoluer dans la saison, fort probablement que des restrictions dans l'Est allaient se mettre à lever, ou en tout cas, on allait être en mesure, selon l'information qu'on disposait à l'époque, d'accueillir plus de fans à ce moment-ci de l'année qu'au mois d'août. Et effectivement, tu sais, ça a été le cas. Donc, en faisant ça, bien, ça s'assure que tu es au moins capable d'avoir un plus grand nombre de billets disponibles à vendre. Mais après ça, l'autre côté de la médaille de cette affaire-là, c'est que tu peux avoir plein de billets à vendre, mais encore faut-il que les gens aient le goût de se Tu sais, ce sera retrouver pas évident. dans un environnement où tu es entouré de gens, là, tu sais, parce que ça fait 18 mois, tu sais, bien, tu sais, 18, 19 mois, 20 Mais mois, moi, ouais. qu'on est conditionné à ne pas voir personne ou à avoir des contacts très limités. Hein? Fait que c'est sûr que là, soudainement, quand tu te ramasses dans un endroit où ça fait 18 mois que tu n'étais pas avec du monde, puis que vous êtes 14 000, c'est un ajustement assez brutal. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine hésitation. Puis après ça, il y a d'autres facteurs. Tu sais, la journée où le match tombe, est-ce que les conditions météo sont Ben, bonnes? Est-ce exemple, que au les. stade à Percival Molson, c'est 2 semaines que les Alouettes ont joué à plein mois de fin octobre. C'est en plein samedi soir, il mouillait. C'est pas tentant d'aller là. Ben, c'est ça, tu sais, puis il y a personne qui va blâmer des gens de dire, moi, ça me dérange Quand le match est à la d'être à TV. l'extérieur puis de me faire tomber 20 mm de pluie le temps que je vais être. Moi, l'octobre, fin octobre, bon. C'est pas comme fait... c'est pas comme au mois d'août, genre. Puis le match c'est à la télévision. Là, ben, c'est ça, tu sais. Puis ça a beau être le football, puis on est des vrais, puis tout, puis on est des partisans, puis on se maquille dans la face, puis tout, là, c'est correct, ça, tu sais. Mais il n'y a personne qui va être fâché. Je veux dire, moi non plus, avec mes jeunes enfants, je n'irai pas voir un match dans des conditions comme ça. Ça n'a pas de bon sens. On va rester 15 minutes, puis les enfants vont faire de l'hypothermie. Tu sais, fait qu'il ne faut quand même pas... Est-ce que les billets de la Coupe Grey à Hamilton se vendent bien? Ah oui, oui, ça va très bien. C'est quoi le 13 décembre? C'est jamais vu le 13 décembre? Ben, il faut remonter il y a très longtemps là, pour jouer des matchs. Mais tu sais, Hamilton, le meilleur exemple que je peux donner, c'est mon patron. Okay. Il y a 2 ans, jouait au golf le 23 décembre. Ah ouais, c'est sûr. Donc, au niveau de la météo, c'est un peu différent là-bas. C'est sûr que, particulièrement pour Hamilton, ils vendent beaucoup et ça risque d'être humide. Ça, on sait parce qu'on est à côté du lac Ontario. Mais ça, c'est ça la réalité. Puis de toute façon, à Ottawa, il y a quelques années, il a tombé une averse de neige qui n'avait pas de bon sens pendant le match. Fait que tu sais, c'est pas. Et la dernière fois que la Coupe Grey a été jouée à Hamilton, ça s'est fait dans une tempête de neige. Et encore aujourd'hui, ces images-là sont. 1997, je pense. C'est Doug Flutie au poste de corps. Ouais, c'est ça. T'sais, comme c'est Danny McManus. C'est ça. Tu sais, le fameux catch du bout du pied, le ballon qui rebondit, tout ça. Tout le monde s'en souvient de ça. Fait et en même temps, honnêtement, on n'avait pas le choix. Si on voulait être capable de jouer le nombre de matchs qu'on voulait jouer puis rendre ça dans une saison qui a du bon sens, il fallait déborder au mois de décembre. Donc, Le dôme, il y a quand même trois dômes possibles. Le stade olympique, on a oublié ça, mais il y a deux dômes possibles. Tu as envisagé d'aller jouer ça à BC Place? Non? OK, je ne savais pas. Au Sky Dome, non? Au Centre Rogers, pardon. Allez, on va parler sur le terrain maintenant. Les Alouettes, on va commencer par les Alouettes. On va aller voir un petit peu dans l'Ouest après ça. Il y a Mike O'Shea qui a confirmé que c'est pas Zach Calaros qui va être au premier quart, mais Sean McGuire. Donc, pour les Alouettes, ça change toute la donne. Là, parce que, écoute, quand c'est pas ton corps numéro un qui est là, Winnipeg avait rien à gagner à jouer ce match-là. Donc, on a profité de reposer Calaros, qui est un corps fragile. Donc, pour les Alouettes, c'est un match important. Ils sont classés, mais ça reprend encore leur position. Là. Donc, ça, c'est possibilité de jouer la demi-finale à la maison, puis de jouer à l'extérieur, c'est deux choses. Pour les billets, l'argent, comme on vient de parler, et aussi pour l'avantage terrain, au moins un match à domicile. C'est sûr que souvent, on dit que l'avantage du terrain au football, c'est important parce que dans plusieurs sports, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Ça peut énergiser ton équipe et tout ça, je suis d'accord, mais au football, la différence, c'est que si la foule fait du bruit au bon moment, ça peut réellement avantager son équipe. Regarde, à Seattle, Kansas City, dans NFL, ben, c'est ça. Donc, l'avantage du terrain, c'est important. Ensuite, il y a aussi, d'un point de vue organisationnel, c'est un match à vendre de plus, donc c'est des revenus supplémentaires. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, pour ce qui est des Alouettes, ben, présentement, dans la division Ouest, il y a 32 scénarios possibles en matière de classement final. Il y a 32 scénarios possibles, dépendant de qui gagne, qui perd, y a-tu des égalités, quel bris d'égalité en banque et tout ça. Donc, tout va se décider au cours des prochaines semaines. Fait que tous les matchs sont importants. Maintenant, Montréal doit gagner. Donc, essentiellement, dans ces 32 scénarios-là, il y en a 4 qui placent les Alouettes au deuxième rang. Et le reste des scénarios. Essentiellement, l'équipe ne contrôle pas sa destinée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est gagner. Puis s'ils gagnent tous leurs matchs, et même là encore, il y a un scénario potentiel où il y aurait une triple égalité dans l'Est. Mais Montréal n'a pas les bris d'égalité pour terminer au premier rang. Fait, pour eux, c'est ça. Donc, eux finissent deuxième ou troisième, dépendant de... En fait, un des matchs les plus importants de la saison va jouer cette semaine, Hamilton contre Toronto. C'est un des matchs qui va avoir un impact majeur. Sur... Ben, les Argonauts, donnant qu'ils gagnent, c'est réglé, les autres, dans l'Est? Il faudrait que je regarde les scénarios. Oui, je regarde ça. C'est 8-4 et Hamilton, 7-5. Donc, s'ils gagnent... Oui, ça leur donne une sérieuse option, mais il y a d'autres scénarios possibles. Donc, bref, ça, c'est un des matchs les plus importants de la saison. On ne se le cachera pas. C'est la même chose du côté de l'Ouest. Il y a des affaires qui ne sont pas tout à fait déterminées. Donc, comme par exemple, je peux te le dire, là, si Toronto perd et Montréal gagne, il n'y a rien de déterminé pour ces deux équipes-là, et même pour Hamilton. Donc, c'est assez complexe. Nos statisticiens ne dorment pas beaucoup présentement à faire des projections. 32 scénarios possibles. Ouais. J'ai jamais vu ça. Hey, dis-moi, dans le, on a parlé du classement dans l'Ouest. C'est pratiquement Winnipeg est tout seul. D'ailleurs, Maguire, on décide de reposer Maguire. Par contre, c'est Saskatchewan et Calgary. C'est les Riders qui, j'ai pas vu quand ils jouent en fin de semaine, mais eux autres, une victoire, puis c'est réglé aussi. Ben, il reste deux matchs. Oui, ben c'est ça. Puis même dans l'Ouest, il y a une... si je me souviens bien, là, quand j'ai parlé à notre gang de statisticiens au début de la semaine, il y a même un scénario où Calgary ne participe pas aux éliminatoires. Oh, OK. Donc même ça, c'est pas tout à fait réglé. Il existe aussi 32 scénarios dans l'Ouest. Donc il y a 64 scénarios possibles qu'on a étudiés cette semaine. Fait que c'est... tous les matchs sont importants. Même ça, Olivier, ça fait quoi? Ça fait 40 ans que je suis à ICF. J'ai jamais vu ça. Ben en fait, c'est qu'il y a 40 ans, on n'avait pas Steve Daniel comme statisticien qui était capable de nous sortir des scénarios d'avance. Là, on le sait. C'est juste qu'avant, il fallait calculer à mi-temps. Mais tu sais, tout ça pour te dire qu'il y a certains scénarios qui rentrent dans les points pour et les points contre. Et si je me souviens bien, dans le match de Hamilton et Toronto cette semaine, si le match s'en va en surtemps, donc en prolongation, à cause du différentiel de points, Toronto pourrait perdre le match, mais devrait réussir un placement. Donc, s'ils se ramassent en situation de prolongation, puis qu'ils ont le choix entre. Ils ont le ballon en premier, là, et qu'ils ne savent pas ce que l'autre équipe va faire, Toronto pourrait se contenter d'un placement, perdre le match et aurait quand même le bris d'égalité sur les points pour, points contre, contre Hamilton en fin de saison. Fait que ça, c'est le genre d'élément important à savoir pour un entraîneur qui va arriver en fin de match et qui va se dire, est-ce que j'essaie de pousser pour marquer un toucher absolument parce que je veux gagner le match? Mais là, l'entraîneur sait qu'il n'y a pas besoin de gagner le match, mais il faut qu'il réussisse un placement. Fait que ta gestion du match n'est pas du tout la même parce que là, tu peux décider de dire, je suis dans une situation, disons, à cause d'une punition, je me ramasserais en... Tu sais, 3e et 20, est-ce que je force la note ou je fais juste botter? Puis après ça, ben si ma défensive tient le coup, je gagne, tant mieux. Fait que là, j'ai le bris d'égalité au niveau de victoire. Mais si je perds, là, on s'en va pour les points pour, points contre vis-à-vis Hamilton. Et le fait de juste marquer 3 points supplémentaires m'assure de terminer devant Hamilton, c'est ce scénario-là. C'est incroyable. Fait que c'est souvent les gens, même qu'il y a pendant un bout de temps, la plupart des observateurs pensaient que Edmonton était éliminé. Et pendant 2 semaines, tout le monde pensait que le club jouait pour rien. Et c'est pas vrai, il était encore dans la course. Il y avait encore des scénarios d'égalité qui potentiellement leur permettaient de terminer 3e, quoique, mais aurait pu terminer 4e. Puis si c'était la débandade dans l'Est, aurait peut-être pu potentiellement se ramasser avec le croisement éliminatoire. Donc, des fois, on pense que c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. Okay. Lui, à ta minute, tu as parlé de botteur. Puis ça, je vais essayer d'avoir David Côté la semaine prochaine dans l'entrevue des Alouettes. Puis je suis content parce que je vais te conter un scénario qui s'est produit dans la NFL. Tu sais, la LCF est méprisée par les amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs de football qui ne prennent pas au sérieux la LCF. Hein. Tu sais pourquoi? Et il est arrivé une situation dans 2 semaines dans le match entre les Steelers et les Bengals de Cincinnati. Le botteur des Steelers, le botteur de précision, se blesse et le botteur de dégagement n'est pas capable de faire des transformations puis des bottés de placement pour dépanner, là, des bottés de placement de courte distance, genre. Dans la SCF, à cause de l'histoire du botteur canadien, plusieurs botteurs sont capables de faire les deux. J'étais content de voir ça parce que la SCF, tu sais, on est souvent méprisé. Je ne dis pas que les meilleurs joueurs de football sont dans la SCF, pour ça je dis. Mais tu sais, quelque part, ça prouve que le calibre est quand même très, très bon. Tu sais, quand le botteur de placement n'est même pas capable de faire un. Le botteur dégagement n'est pas capable de faire une transformation. Là. Ça aurait pu coûter le match aux Steelers, ce match-là. Ce sont des postes de spécialistes. Ouais. Donc, tu sais, chacune des équipes va gérer ça comme ils vont vouloir gérer ça. Dans la Ligue canadienne, les formations comportent moins de joueurs, tout simplement. Ouais. Donc, la polyvalence est toujours mise de l'avant. Puis c'est toujours... Tous les joueurs vont vous le dire. Tu sais, un gars qui joue sur des unités spéciales ou qui est un secondaire substitut, il y en a beaucoup qui vont faire des longues remises. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont potentiellement être appelés à le faire. Moi, je me souviens d'un match il y a quelques années, c'est Ben Cahoon à Montréal. Qui avait botté, je pense, il était botteur, je me rappelle de ce match-là. Qui a réussi un placement. Ouais, parce que, parce que je crois que le batteur à l'époque, c'était Damon Duval, puis Damon avait été blessé? Éjecté. Non, éjecté du match à cause de gestes antisportifs contre Mike O'Shea, parce que Mike O'Shea cherchait à. On connaît tous sa réputation comme joueur. Là, c'était un gars assez intense. Et clairement, il se passait quelque chose entre les deux. Et puis, Damon avait été expulsé du match. Et si je me souviens bien, c'est ça, c'est Ben Cahoon qui faisait les placements et les bottés de dégagement. C'était quelqu'un, je ne me souviens plus c'était qui. Et si Ben avait été blessé ou avait été dans l'impossibilité de botter, je crois que le prochain sur la liste, c'était Paul Lambert. Parce que à la fin des pratiques, tout le monde rit de ça, là, mais c'est pas rare qu'à la fin des pratiques, n'importe qui s'essaye à faire des placements. Et moi, j'avais déjà vu Paul. Ouais, j'avais déjà vu Paul tenter ça. Puis là, bon, Paul, c'est parce que j'ai travaillé avec les Alouettes, puis je connais Paul Lambert. Ouais. Mais, donc, Paul avait fait ça. Ben, la même chose. Et puis, à l'époque aussi, il y avait Dave Stella qui faisait des bottes de dégagement. Ouais. Lui était un botteur, je pense, au niveau universitaire. Oui, c'est ça. Lui, il cumulait des doubles au fonctions. Au niveau universitaire, oui. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu mentionnais Doug Flutie. Ben, Doug Flutie, à la fin de ses pratiques, faisait toujours, en anglais, on appelle ça un dropkick. Ouais. C'est-à-dire que tu lances le ballon au sol, il rebondit, puis tu peux le botter. Il faudrait vérifier avec la NFL, je ne sais pas au niveau de leur règlement, mais au Canada, dans la Ligue canadienne, tu peux tenter un dropkick, ça vaut 3 points de n'importe où sur le terrain, là, n'importe quand. Lance le ballon par terre, il rebondit, tu le bottes entre les poteaux, tu marques 3 points. J'ai déjà vu? Moi, je n'ai jamais vu ça dans un match. Okay. Mais Doug Flutie, étant le gars qu'il est, savait que ça existait dans le règlement et que c'était possible pour lui de le faire, et donc s'est entraîné. Il était sérieux, le gars, pareil, parce que c'est un Américain, Doug Flutie, puis, tu sais, combien il y a d'Américains qui sont au Canada, puis qui risent... Ouais, Doug Flutie avait du fun à jouer au football. Ouais. Moi, il y a plusieurs joueurs que j'ai côtoyés au fil des années. T'sais, Anwar Stewart en est un de ceux-là, là, les amateurs des Alouettes le connaissent bien. Puis Anwar m'avait dit... Il dit, écoute, moi, quand j'ai roulé ma bosse, j'ai tenté de jouer dans la NFL, tout ça, ça n'a pas marché, je suis venu au Canada. Puis il dit, c'est au Canada que j'ai réappris à aimer le sport. Ouais. Parce qu'il y avait du fun à jouer. Fait, c'est un peu comme au hockey avec ces fameux systèmes, c'est ça qui fait que tu perds un peu ton instinct de joueur. Là. Ben, ton instinct offensif, être bon sur la rondelle, on l'apprend ça beaucoup. Ben, souvent, tu sais, puis je pense que la nature du football canadien, puis de la manière dont le calendrier est bâti, puis tout ça, tu sais, on parlait de polyvalence tantôt, je pense que c'est clé pour connaître, c'est une des clés pour connaître du succès au Canada, mais faut aussi avoir des bons instincts. T'sais, on s'en rend compte, il y a des joueurs de foot. Puis on le voit au Canada, mais on le voit beaucoup aux États-Unis avec la NCAA, il y a beaucoup plus de programmes. Il y a des gars qui sont des joueurs de système, c'est-à-dire qu'ils excellent dans ce système-là. Si tu sors le gars du système. Non, c'est ça. Souvent des carrières de système aussi, surtout dans la NCAA. Ouais. Ben, où ils les choisissent en fonction du système. Regarde les Gators de la Floride. Regarde les Gators de la Floride. Puis c'est un bon programme, les Gators de la Floride. Là. Regarde le programme. Regarde les camps qui sont sortis du programme des Gators de la Floride. Pas beaucoup qui sont dans la NFL. Même chose pour les Crimson Tide de l'Alabama. Quoi que ça s'améliore avec Tua et Mac Jones. Mais avant ça, Crimson Tide, c'était pas fort, là, l'histoire des Crimson Tide. Olivier, très intéressant. Merci beaucoup. On va s'en reparler plus régulièrement. C'est sûr que moi, comme je t'ai dit, je te l'ai dit en dehors des ondes, je trouve cette année qu'il y a un manque de couverture ailleurs dans les Canadiens de football. Didier, mais juste en parlait beaucoup dans son podcast, mais cette année, il parle juste des Alouettes, puis pas juste des Alouettes dans la Ligue. Là. Là-dessus, on peut aussi un peu blâmer la COVID, là, les accès, puis la manière de parler, puis d'obtenir l'information, ne serait-ce qu'à cause des restrictions sanitaires, c'est un peu plus compliqué. Donc, selon moi, c'est une... Bonjour, ma blonde. Qui est allée faire l'épicerie. Vois-tu, de la COVID, ça arrive. Selon moi, c'est peut-être pas étranger à ça. Il y a toutes des questions de couverture, puis de disponibilité, puis de temps, puis tout ça. Donc, c'est de loin, là, on n'a pas l'intention de blâmer personne. Donc, non, mais c'est parce que je suis c'est cette année, c'est différent. Honnêtement, j'ai rien qu'à l'année prochaine. Olivier, on s'en parle bientôt. Donc, Olivier Poulin de lcf.ca. Merci, Olivier. On s'en parle bientôt. Certain, merci, salut. C'est beau, salut.